On va écouter Raphaël Branche être la voix médiumique de Pierre-Jean Le Foll de Siani pour un résumé de son texte qui est magnifique, donc à propos de Gilberte Chemouilly, intitulé « Une communiste et trois répressions au prisme du genre en Algérie postcoloniale ». Et Pierre-Jean a donc la parole. Oui, voilà, merci, super. Bon, je vais essayer, j'ai pas du tout tellement préparé, hein. Mais alors je vous dis juste, il se trouve que je connais Pierre-Jean depuis le master et que je l'ai beaucoup suivi, que j'ai lu ses travaux, donc voilà, j'ai proposé ça aussi parce que je suis heureuse de partager avec vous son travail et sa sensibilité. Bon, bref, mais je suis pas lui, hein, vous avez bien remarqué. Alors, là, on parle de textes qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, avec les textes qu'on a vus précédemment. On n'est pas du tout dans de la littérature, on est à peine dans de la non-fiction. Il s'agit donc de l'itinéraire de cette femme, Gilberte Chemouilly, qui est née à Alger en 1917, dans une famille particulière, puisque sa mère est chrétienne et originaire de métropole de France, et son père est juif du Maghreb. Elle a comme caractéristique aussi très forte d'être membre du Parti communiste algérien dès l'entre-deux-guerres, dès avant les années 40, jusqu'à la guerre d'indépendance, jusqu'à après l'indépendance de l'Algérie, à une époque où le Parti communiste algérien, quoi qu'ayant participé à la lutte de libération, est interdit. Et donc Pierre-Jean identifie trois périodes dans sa vie, trois types de récits, et décrit cette femme. Je vais essayer de faire sa vie. Donc la première période, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, où elle est donc communiste, militante, et où elle paye évidemment son engagement comme une communiste, puisqu'elle est, le Parti communiste étant interdit, elle est arrêtée dès 1940, elle est arrêtée en mai 1940, donc avant le régime de Vichy, il faut le noter. La deuxième période dont il va parler, c'est la période de l'après-guerre à l'indépendance, où elle est dactylo au comité central du Parti communiste algérien, et où donc elle est dans cette période où le Parti communiste algérien est un des creusets, du contact entre les différentes populations d'Algérie. Et puis la troisième période dont il parle, donc c'est la période d'après l'indépendance, je l'ai déjà dit, jusqu'en 1966, et il s'intéresse à trois récits qu'elle a produits. Et là, c'est assez intéressant parce que donc, c'est trois récits de nature extrêmement différente. La première, c'est un récit qui est le récit des tortures qu'elle a subies en 1940, qui est un récit de dénonciation commandé par le PCA, finalement. Donc elle va mettre en scène une plainte, en fait, pour dénoncer donc, les pratiques répressives. Le deuxième, c'est un récit publié en 1966, qui est aussi un récit centré sur les tortures qu'elle a subies dans un livre collectif qui est aussi une plainte, là pour le coup, la publication d'une plainte adressée au juge d'instruction pour dénoncer les pratiques de torture. Donc là encore, un récit instrumental dans une action politique. Et puis, à côté de ça, des récits auxquels Pierre-Jean a eu beaucoup de mal à avoir accès, puisqu'il a commencé à rencontrer Gilberte en 2007. Mais en fait, il ne l'a pas rencontré elle, il rencontrait son mari, qui était aussi dont je vous parlerai, juif communiste algérien. Et puis donc il s'est rendu compte qu'elle avait des choses à dire aussi. Elle a fini par accepter d'être filmée visiblement. Et puis à 94 ans, en 2011, elle s'est mise à écrire enfin ses souvenirs. Mais en fait c'est pas vraiment ses souvenirs parce qu'en fait elle fait des portraits des gens qu'elle a connus. Donc voilà, elle est toujours en retrait de même voilà. Et puis finalement, donc ça il le met comme un troisième type de récit, moi je pense que c'est un quatrième, c'est les entretiens qu'il a fini par avoir avec elle, lui, Pierre-Jean, mais de manière informelle, puisqu'en fait celui qui était interviewé, c'était son mari. Donc là aussi, dans un couple, dit-il, qui pourtant est égalitaire, mais malgré tout, on a toujours cette femme au deuxième plan. Où elle se met visiblement avec... bon voilà. Alors, il travaille sur les récits, sur ce qu'elle raconte et sur ce qu'elle est. Je vais essayer de peut-être vous raconter ça rapidement. C'est vraiment dans la lignée de tous les travaux de Pierre-Jean de s'intéresser donc à cette minorité de la minorité, hein, qui sont donc des juifs algériens, donc maghrébins, mais qui ont fait le choix de la lutte pour l'indépendance pendant la guerre. Donc elle a une particularité de plus, c'est que sa mère et de métropole et chrétienne en plus. Donc elle est, de toute façon, comme il le dit, elle a un problème, il parle de désajustement, elle a un problème d'affiliation, et donc elle se retrouve dans aucune des catégories. On a vu d'ailleurs un personnage comme ça de métisse, alors on n'emploie pas du tout ce mot pour l'Algérie coloniale, mais c'est exactement la même chose, bien sûr, avec des problèmes de pas rentrer dans les bonnes cases. Et donc, résultat, les cases pour elle, les cases dont elle se revendique, c'est son quartier. Elle tient beaucoup, beaucoup à l'identité de son quartier, qui est le quartier de Bab El Oued à Alger. C'est bien sûr le parti communiste algérien. Et puis, la troisième case, c'est la patrie algérienne. C'est ce qui est quelque chose d'assez compliqué à penser quand on est avec ces origines-là. Ce qu'il tresse enfin, donc avec trois itinéraires politiques, trois formes d'engagement, trois types de récits, c'est aussi trois mariages. Parce que toutes ces trois étapes correspondent à trois maris et trois histoires. Et ça aussi, ça dit beaucoup hein, sur son parcours. Son identité de femme et d'algérienne. Donc son premier mariage, elle le contracte fin 42, à la fin de son emprisonnement, avec un juif communiste. Donc dit-il, double endogamie, juif et communiste. Donc tout va très bien. Comment est-ce que ça se finit avec lui? J'ai oublié. Oui, je crois qu'il la déçoit en fait. Oui, voilà, elle sort de prison et en prison, en fait, elle a pris du poil de la bête. Et voilà, lui, finalement, il est moins militant qu'elle. Et elle aurait reproché à son mari un militantisme peu solide, une faible contribution à l'économie du foyer, une volonté de contrôle sur elle. Enfin, en gros, ça ne va pas. Et elle dit, déjà qu'il y avait mon père, je ne supportais pas que lui aussi me flique. Donc, je pense que ça, je ne me souviens plus comment ça se termine, mais pas bien. Et donc, finalement, en fait, elle va se marier avec un autre homme qui s'appelle Bouali Taleb et qui est membre des jeunesses communistes, qui lui aussi a subi la répression dans la Deuxième Guerre mondiale. Pierre-Jean le qualifie de militant sacrificiel comme le deuxième mari de Gilberte. Et ça lui correspond mieux visiblement comme type d'époux. Donc ils vont faire carrière dans le PC tous les deux, ils vont être promus tous les deux à la direction du comité central, dans la direction de la JC, pardon, mais bon, chacun a sa place quand même, j'ai pas le temps de développer. Bouali Taleb, donc Taleb monte au maquis hein, avec une partie des communistes algériens qui vont rejoindre le maquis nationaliste, et il meurt au maquis. Elle apprend plus tard qu'en fait il a été tué par le FLN. Et puis, troisième mariage, qu'elle contracte là, une fois l'Algérie devenue indépendante, de retour à l'endogamie juive communiste, elle épouse William Sportis, qu'elle a rencontré aussi dans le milieu clandestin d'Alger républicain. Et donc là, il développe davantage la question des jeux de rôle et la manière dont des jeux de rôle genrés et la manière dont, en tant que femme, elle va jouer sur les identités pour militer. Donc, rapidement, quand elle est pendant la guerre d'indépendance, enfin, dans la clandestinité, mais c'est surtout pendant la guerre d'indépendance, en fait, ce qu'il raconte, voilà, en gros, elle va jouer du fait que les femmes sont moins fouillées, que les femmes sont moins contrôlées, qu'en plus, elle peut jouer sur... elle n'est pas algérienne, donc elle passe plus facilement les contrôles. Donc, elle joue à la fois sur l'identité de statut et puis de genre. Quand elle est arrêtée, elle explique qu'elle n'y connaît rien, qu'elle y est pour rien, que c'est son mari qui fait tout, qu'évidemment, comme c'est son mari, il ne lui dit rien, etc. Et en même temps, dans ses témoignages, évidemment, il s'agit d'une autre femme et d'un autre engagement. Et puis, elle a cette phrase incroyable. Quand elle est arrêtée fin 56, donc son mari est parti au maquis, donc elle n'est plus là. Ses camarades communistes commençaient à être arrêtés. Il y a des cas de torture avérés de communistes algériens à ce moment-là par la police française. Et elle dit « J'aurais aimé être une bombe pour exploser » quand elle est emmenée dans le panier à salade. Donc, elle est évidemment tout à fait consciente et engagée. Pour ce qui concerne les tortures plus spécifiques, il s'intéresse dans son texte à la manière dont elle rend compte de la violence subie. Alors, ce n'est pas très clair dans le texte si c'est elle ou lui qui dit ça, mais enfin, en gros, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans les tortures subies, même s'il y a quand même des différences. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence, sauf qu'évidemment, la torture, c'est sexué. Donc, en fait, il y a des différences. Ce qui est frappant aussi, c'est peut-être la chose qui pourrait être creusée, parce que c'est très rapide, mais c'est qu'elle met du temps quand même à en parler de la dimension sexuelle, pour le coup, des violences. Et elle en parle davantage à l'oral qu'à l'écrit. Et elle en parle en rigolant, hein, en faisant des blagues, en faisant des récits qui mettent à distance, etc. Donc ça c'est, il me semble tout à fait intéressant. Il a un dernier passage sur ce qui se passe en prison et il compare les deux expériences carcérales. Quand elle est emprisonnée pendant la guerre d'indépendance, elles sont très peu de femmes à être emprisonnées, alors que dans l'Algérie indépendante, elle est emprisonnée avec plein d'autres femmes. Et donc là, elle retrouve finalement des et il s'inspire de la sociologie de la détention, hein, où finalement, voilà, entre femmes, il y a d'autres rapports de force qui se jouent, d'autres rapports de pouvoir qui se mettent en place, et finalement des activités extrêmement genrées, de la couture, je ne sais plus ce qu'elles font d'autres, elles font des chants, enfin voilà. Et donc elle n'arrive pas du tout à proposer un autre agenda à ses camarades de prison qui ne sont pas forcément des détenus politiques. Il revient sur la manière dont son récit de femme victime a été utilisé par le PCA, en fait, hein, par le parti dont elle s'est, qui est une de ses familles, hein, très clairement. Et il montre assez précisément que le même récit, finalement, des tortures subies en 1940 est connoté différemment et signifié différemment par le PCA selon les agendas politiques du PCA. Donc, en fait, quand le PCA veut être au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un résistant dans la grande famille des résistants, son récit, on va mettre l'accent sur le fait qu'elle était une militante, je cite, anti-hitlérienne. On passe complètement sous silence le fait qu'elle a été torturée par la police de la Troisième République. En fait, on fait 1940, c'était pas bien, c'était Vichy, hop. Donc, elle a lutté contre... Bon, c'est faux, bien sûr. Et puis, quand le PCA, à partir de 1946, va se séparer de ses alliés politiques pour devenir beaucoup plus nettement anticolonialiste, eh ben le même récit va être présenté comme un récit, la preuve qu'elle a vraiment lutté contre le colonialisme. Et on va mettre en avant le commissaire de police qui est à l'origine de toute sa répression, bon, qui par ailleurs a un passé de résistant, mais ça évidemment on ne le dit pas, et qui a été aussi responsable de la répression en 1945 des nationalistes algériens. Et donc là, on va valoriser un engagement anticolonial à partir en fait de la même expérience qui, dans les deux cas, est racontée de manière extrêmement biaisée. Et il fait la différence entre ce texte-là, qui est un texte qui ne lui appartient pas, hein, qui lui a été manipulé, avec le texte qu'elle fait en 1965, qui est sa plainte, hein, qu'elle fait bien davantage, et où là, c'est de son propre chef à elle qu'elle va faire des comparaisons entre la situation du PCA sous Boumédienne, sous Benvela, d'ailleurs, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle est... Enfin bref, du PCA après l'indépendance au PCA pendant la guerre, où en gros, elle fait une comparaison entre les forces répressives algériennes et les forces répressives colonialistes. Et ça, c'est ça, c'est son interprétation, sa vision des choses en 1966, quand elle publie son texte. Voilà. Merci beaucoup.